Pas vu Joseph? Mais non, j'ai pas vu Joseph. Mais où est-il, Joseph? Au Brésil. Oh Brésil, il danse la samba et va de ville en ville pour en apprendre tous les pas. Monté sur un cheval, coiffé d'un sombrero, on le voit dans tous les bals de Bahia jusqu'à Rio. En avant et en arrière, c'est vraiment facile à faire, un coup de rein en ondulant et on est dans le mouvement. Joseph est au Brésil, il danse la samba et comme il est habile, toutes les femmes tombent dans ses bras. Joseph, Joseph, avouez que c'est un chef, mami, mama, et vive la samba. Joseph, oh, Joseph. Hey. Ah, Joseph, c'est bon.